Voilà, ma chère enfant, je suis vengée, votre mari l'a su. Je lui ai catégoriquement démontré qu'il était d'un donné, ce que nous appelons refait au même. Madame Marneffe est ma maîtresse, et si le sieur Marneffe crève, elle sera ma femme. Madame Hulot regardait Crevel d'un œil fixe et presque égaré. Hector a su cela ? Dit-elle. Et il y est retourné, répondit Crevel, et je l'ai souffert, parce que Valérie voulait être la femme d'un chef de bureau. Mais elle m'a juré d'arranger les choses de manière à ce que notre baron fût si bien roulé qu'il ne reparût plus. Et ma petite duchesse, car elle est née duchesse, cette femme-là, parole d'honneur, a tenu parole. Elle vous a rendu, madame, comme elle le dit si spirituellement, votre Hector vertueuse à perpétuité. La leçon a été bonne, allez. Le baron en a vu de sévère. Il n'entretiendra plus ni danseuse, ni femme comme il faut. Il est guéri radicalement, car il est rincé comme un verre à bière. Si vous aviez écouté Crevel au lieu de l'humilier, de le jeter à la porte, vous auriez 400 000 francs, car ma vengeance me coûte bien cette somme-là. Mais je retrouverai ma monnaie, je l'espère, à la mort de Marneffe. J'ai placé sur ma future. C'est là le secret de mes prodigalités. J'ai résolu le problème d'être grand seigneur à bon marché.